C'était sur l'autoroute aux environs de 17h que nous nous rendions tous à ce rendez-vous de dernière heure. Les traits tirés par la fatigue accumulée, l'esprit hanté par le contexte. Qu'allait-il se passer? Patrice au volant essayait de détendre l'atmosphère, mais rien ne pouvait effacer l'image angoisse de cette mère qui quelques heures auparavant, la gorge serrée, nous demandait de venir rencontrer son fils hospitalisé. Le paradoxe donnait envie de crier. Notre épuisement n'était rien. Lui sur son lit luttait pour exister. Du jour au lendemain, dans le coma, il s'est retrouvé sans que personne ne s'y attende. Son corps de lui s'est joué. J'avais un pincement au cœur, effaçant toute bonne humeur. Plus nous nous rapprochons, plus les secondes semblaient des heures. Le front couvert de sueur, je priais pour le meilleur. Il est si jeune, père, laissez-le goûter au bonheur. La vie est si fragile, les situations difficiles. Le destin nous déroute, comment ne pas perdre le fil. Les années passent, les blessures laissent des traces. La peine en moi est si profonde que rien ne l'efface. La vie est si fragile, les situations difficiles. Le destin nous déroute, comment ne pas perdre le fil. Les années passent, les blessures laissent des traces. La peine en moi est si profonde que rien ne l'efface. La crainte d'être envahi par ses peurs monte dans l'ascenseur, j'en ai des frissons de douleur. Par humilité, je n'ose lever les yeux. Beaucoup trop dur à accepter, beaucoup trop douloureux. Aurais-je la force d'avancer? Dieu seul le sait. La scène se passe de glace, je ne peux pas bouger. J'ai gardé la tête baissée pour cette famille déchirée. Le silence m'avait tué, impossible de parler. Comment vivre puisque notre destinée est de partir? Quelle porte empruntée sans jamais avoir à mourir? Placé devant ces alternatives qui me révoltaient, peut-on vraiment quitter ces interrogations posées? Je reste sans voix, pourquoi la vie est si fragile, les situations difficiles, comment ne pas perdre le fil. Venu te voir, ces quelques présents étaient pour toi, mais ce long couloir nous séparait déjà. La vie est si fragile, les situations difficiles. Le destin nous déroute, comment ne pas perdre le fil. Les années passent, les blessures laissent des traces. La peine en moi est si profonde que rien ne l'efface. La vie est si fragile, les situations difficiles. Le destin nous déroute, comment ne pas perdre le fil. Les années passent, les blessures laissent des traces. La peine en moi est si profonde que rien ne l'efface. Que réalité, que réalité. David causé par une absence, que réalité. Pleurer sur son sort, n'efface pas les remords. Sa sœur nous remercie tous d'être venus pour lui. Il aimait notre musique, elle vivait à travers lui. Insensible à notre philosophie, non il l'avait saisi. Mais avant qu'on ne vienne, il était déjà parti. Que dire à une mère que la souffrance agresse? Meurtri par la vie, je ressens ce sentiment de détresse. Frappé de plein fouet par les remords. Si j'étais arrivé quelques minutes avant, il serait là encore. Auprès de son corps qui semble froid, son meilleur ami lui parle pour lui, il est toujours là. Persuadé qu'il y a une vie après la mort, désormais leurs secrets resteront gardés comme un château fort. Je te revoyais les bras en l'air à tous nos concerts. Martin et toi étiez nos supporters les plus sincères. En ta mémoire, crois-moi, nous continuerons de nous battre. Je me rends compte aujourd'hui que la vie n'est qu'une étape. La vie est si fragile, les situations difficiles. Le destin nous déroute, comment ne pas perdre le fil. Les années passent, les blessures laissent des traces. La peine en moi est si profonde que rien ne l'efface. La vie est si fragile, les situations difficiles. Le destin nous déroute, comment ne pas perdre le fil. Les années passent, les blessures laissent des traces. La peine en moi est si profonde que rien ne l'efface. Que réalité, réalité, que réalité. David causé par une absence, que réalité. Pleurer sur son sort, n'efface pas les remords. Mort. Oui, oui, oui, oui.